Avenir cette semaine, du nouveau concernant le plan en ligne de la Nintendo DS+, le PlayStation reçoit un prix Emmy et une liste de trucs pour rester éveillé devant son ordinateur. L'émission pour qui PS2 est une console, mais aussi une prise de souris, commence maintenant. Bonjour et bienvenue à La Connexion, l'émission qui parle de technologie, d'informatique et de jeux vidéo. Mon nom est Mathieu Plante. Cette semaine, comme toujours, mon co-animateur est l'incorrigible Danny Janvier. Bonjour, je sais pas si on m'entend, oui. Oui, on t'entend, Danny. Et Danny, tu parles de quel jeu cette semaine? Ultimate Spider-Man. Ultimate Spider-Man. Mais dis donc, dis donc. Donc, pour nous contacter en studio, téléphonez-nous, c'est facile au 819-376-5183, le 819-376-5183, et tous les liens de l'émission et le MP3 de la semaine sont sur notre site web au cnx.cfou.ca, le www.cfou.ca, cliquez sur la connexion en bas à droite. Vous écoutez la connexion à Cfou 89 FM, voici Mr. Brown tout de suite. Ah ouais! Monsieur Brown avec Bébé je t'aime, Bruno Desautels et Monsieur Brown. Vous écoutez la connexion par technologie informatique et jeux vidéo avec Danny Janvier et moi Mathieu Plante à Cfou 89.1 FM. Et maintenant c'est l'heure de faire quelques nouvelles. Hein? Ah, oh, come on. Ah ouais, vas-y. Yeah. Donc la première nouvelle cette semaine est assez importante, ça concerne la Nintendo DS et les plans en ligne de cette console-là. Donc qu'est-ce qui va se passer? On se le demande. Nintendo a tenu une petite conférence de presse à Tokyo pour contrer un petit peu l'effet du X05 qui était la conférence de presse de Microsoft. Donc afin de révéler de nouveaux détails concernant le mode en ligne de la Nintendo DS. Donc l'adaptateur USB Wi-Fi qui va être requis afin de pouvoir jouer en ligne avec la console si vous n'avez pas de réseau sans fil à la maison, va être mis en vente le 14 novembre prochain en Amérique du Nord. C'est le même jour que le lancement de Mario Kart DS, qui est le premier jeu qui va se servir de cette connexion-là. Donc c'est un dongle USB, ça ressemble un petit peu à une clé USB comme on a tout le temps, ou genre de choses là qui se branche dans votre ordinateur, puis ça fait une affaire Wi-Fi. Sans adaptateur, la console va pouvoir se brancher en ligne dans un hotspot où le Wi-Fi de Nintendo sera accessible. Le système pourra utiliser des listes d'amis et ça va servir entre autres aux compétitions mondiales entre joueurs dans les divers jeux en ligne sur Nintendo DS. Impossible par contre de dire pour le moment combien vous allez devoir débourser pour avoir droit à ce petit adaptateur-là. J'imagine une quinzaine de dollars, ça serait raisonnable, hein, quand même. Du côté des jeux, comme Nintendo l'a déjà annoncé, tous ces jeux en ligne vont être gratuits. En ce qui concerne les compagnies tierces, donc qui sont pas les jeux qui sont pas faits par Nintendo eux-mêmes, c'est les compagnies qui vont décider de charger ou non un montant mensuel afin de pouvoir jouer à des jeux en ligne. Par ailleurs, Nintendo a dévoilé plusieurs nouveaux titres pour sa console portable, aucun n'ayant été confirmé pour l'Amérique du Nord pour le moment. On peut mentionner Dracula Castlevania de Konami, Mario Basketball 3-on-3, oui, un autre sport encore avec Mario, de Nintendo, et un jeu de rôle développé par Nintendo qui va mettre en vedette le petit Tingle de la franchise Legend of Zelda. C'est le petit, en tout cas. On devrait également avoir droit à un nouveau Bomberman de la part de Hudson Soft, un jeu de rôle de la série Tales de Namco, et une version Nintendo DS de Custom Robo de Nintendo. Et aussi un jeu de Sudoku. Est-ce que tu connais le Sudoku, Danny? C'est les jeux qu'on voit souvent dans les journaux. T'as des grilles de 3 dans des grilles de 3. C'est comme, tu sais, une grosse grille, puis dedans, t'as des petites grilles, puis faut que les chiffres égalisent. Faut que t'aies seulement un de chaque chiffre dans les cases, puis faut que chaque case donne 9 sur le diagonal, puis là, en tout cas, c'est... Je comprends pas trop le concept, okay. Là, mais c'est compliqué, puis c'est vraiment très populaire au Japon. Même sur PlayStation Portable, il va avoir une version de Sudoku. C'est un jeu de journal, tu sais. Super graphiquement merveilleux comme jeu. Ça va être beau, hein? Tellement, tellement, tellement beau. Et... Deuxième nouvelle, Sony vient d'annoncer au Japon une nouvelle batterie pour sa console portable, la PlayStation Portable. Donc le Battery Pack PSP 280 devrait arriver prochainement. C'est prévu pour le 27 octobre là-bas. Cette nouvelle batterie offre une capacité de 20% plus élevée que la batterie classique livrée avec la console. La PSP 280 devrait améliorer l'autonomie de entre 4 et qui est présentement entre 4 et 6 heures de 20% de plus. Donc on pourrait dire quoi, 7-8 heures dans ces coins-là. C'est bon. J'imagine, ouais, c'est quand même très très bien. Est-ce qu'il va être plus solide? Non, il va être toujours aussi cheap et mal fait. donc, cette pile-là est privée au prix de 60$ canadiens. Également, Sony prévoit lancer un nouveau memory stick doté d'une capacité de stockage de 1 gig. Ce memory stick sera proposé au prix de 100$ canadiens. C'est cher. Seulement prendre note que la batterie ainsi que la carte mémoire vont être disponibles en premier au Japon et ensuite vers janvier 2006 en Amérique du Nord. Aujourd'hui, 10 ans après, cette semaine plutôt, aujourd'hui, 10 ans après le lancement de la PlayStation, Sony Computer Entertainment a annoncé fièrement que sa console a reçu un Emmy Award dans la catégorie Outstanding Achievement in Technology and Advanced New Media. Ça veut dire super belles affaires technologiques avancées, nouveaux médias. Concrètement, Sony est récompensé pour avoir été un pionnier dans les jeux vidéo 3D. La PlayStation a atteint le cap du 100 millions d'unités vendues en juin 2005. Le président de Sony Computer Entertainment America, Keith Irai, recevra donc le prix lors du 57e Gala Annual Technology and Engineering Emmy Awards, qui se tient cette semaine à Princeton, au New Jersey. C'est le National Academy of Television, Arts and Sciences qui organise cet événement. Je l'ai mis juste parce que je voulais prononcer des mots en anglais. Non, c'est pas vrai, quand même. C'est une machine! Hey, on a fini le bloc nouvelle pour l'instant. On va en faire plusieurs autres plus tard. D'ailleurs, je vais vous en mentionner quelques-unes. Yahoo est au cœur d'un projet de bibliothèque en ligne. On parle aussi de 66% des ménages québécois possèdent un ordinateur. Mais avant de passer en musique, voici le top 5 des jeux les plus loués chez Microplay en date du 2 octobre. 5e position, toujours We Love Katamari sur PlayStation 2. En 4e, Tiger Woods PGA Tour sur Xbox. En 3e, Tiger Woods PGA Tour sur PlayStation 2. En 2e position, NHL 06 sur Xbox. Et en 1ère position, le merveilleux jeu NHL 06 sur PlayStation 2. On va tout de suite écouter la pièce sur l'oreiller de Fred Bailey de son album Discord et Désaccord. Et on revient tout de suite à La Connexion, émission qui parle de technologie, l'informatique et de jeux vidéo avec Danny Janvier. Et Mathieu Plante, c'est assez fou, 89.1 FM. Je vais lâcher sur YouTube parce que moi je suis pas très. Y'a ton parfum sur l'oreiller, il m'arrive souvent de penser à nos caresses, à nos soupirs, à nos douceurs et à nos délires. Y'a ton odeur qui me fait rêver, y'a tout ton corps qui vient me troubler, il y a tes humeurs, il y a tes rires. Tu m'as crié, arrête, tu vas m'étouffer, j'ai une tête bien trop sûre de moi. Fred Bailey avec Sur l'oreiller à la collection. Donc j'ai quelques petits sites encore une fois, des signets, des cossins pour vous autres, mais avant, quelques nouvelles. En bref, très rapidement comme ça, le site du magazine Game Informer révèle que Tecmo prévoit inclure un personnage de la série Halo dans son jeu de combat Dead or Alive 4. C'est du moins ce qu'une source aurait affirmé à Game Informer Online. Ce serait la première fois qu'un personnage d'une autre franchise sera présent dans un Dead or Alive, mais on sait toujours pas c'est qui. Ce sera pas Master Chief, supposément. Et une petite nouvelle, il est maintenant impossible d'acheter des, il est maintenant possible d'acheter des pixels grandeur nature pour recréer les personnages de vos jeux vidéo préférés. Ils peuvent être emboîtés un côté de l'autre ou un par-dessus l'autre pour créer Mario, Sonic ou Mega Man. C'est sur le site de Think Geek, une nouvelle que j'ai prise sur Jeux Express. Il y a deux formats disponibles, 875 pixels pour $30 US ou 2000 pixels pour $55. J'ai aucune idée si ça fait un gros personnage, ce genre de choses-là, mais... Quelle bonne idée quand même, je trouve. Moi, je trouve ça fun. Donc, site cette semaine centré sur Google un petit peu. Celui-là s'appelle le Google XUL Interface, qui est en gros un petit applette. C'est tout petit, avec le logo de Google et une boîte en dessous. Ça sert surtout à le mettre dans la barre sur le côté. Il y a tout le temps une barre là, qu'on peut sortir dans Firefox, ce genre de choses-là, ou dans Explorer. Et bien, celui-là, c'est fait justement pour pouvoir la mettre là. C'est juste une division, par exemple. T'as web, t'as images, groupe. Google Directory, là, tu sais, le répertoire, et Google News, et tu peux chercher là-dedans dans la même boîte, et il y a juste l'encadré qui change de couleur. C'est une très très bonne idée. Une autre affaire sur Google, c'est le Google Total, ou goototal.blogspot.com, qui vous permet encore une fois, lui, de chercher sur la même page. Ça ressemble beaucoup à l'interface de Google, c'est même la même interface, excepté qu'à côté de ta boîte de recherche, tu as un menu déroulant qui te permet directement de chercher soit le web, les images, les blogs, les groupes, ce genre de choses-là, pour pas avoir à changer de page. Très très bonne idée, Google Total. Le Type Tester vous permet de comparer des polices. Ça, j'ai trouvé ça un petit peu drôle. Donc, tu tapes un texte, tu dis, bon, je veux comparer, mettons, Arial à Verdana, je veux, bon, mettre telle grosseur, tel gras italique ou n'importe quoi, il va vous mettre les deux textes à côté de là. Facile, typetester.maratz.com. Évidemment, quand je dis ça, les liens sont toujours sur le cfou.ca, cnx.cfou.ca. Tu sais, les façons de rester réveillé devant votre ordinateur. Mm-hmm. Bien sûr, il y a la caféine, les frappuccinos, les affaires comme ça, mais aussi des vrais trucs qui servent vraiment à quoi. Donc, comment passer la nuit si vous avez une recherche à faire, si vous voulez juste niaiser sur Internet, puis ça vous tente pas d'aller vous coucher, mais vous vous endormez, puis vous voulez vraiment rester réveillé. Donc, truc numéro un, il faut garder la pièce très, très froide. Hein? Très, très froide. Ça vous permet de vous rester réveillé. Numéro 2, manger des nourritures comme du Slim Jim ou des cossins, des bâtons de viande, ce genre de choses-là. Ça pourrait être cool. Votre haleine va empêcher votre tête de tomber. En troisième, évitez votre lit. Ça, c'est sûr, évidemment. Faut pas niaiser sur votre ordinateur, sur votre lit, si vous avez un portable. Évitez les douches chaudes ou les bains. Et il faut éviter la position horizontale sur le divan, par exemple. Et la musique, t'sais, relax. Ça, c'est évident, il me semble. Quatrième, lavez votre figure et vous brossez les dents une fois par heure. Ça vous aide à vous rester réveillé. J'aime ça. Cinquième, changez vos vêtements. Pas porter de pyjama. Allez vous mettre en jeans. Allez vous mettre, tu sais, un vrai... Tu sais, habillez-vous comme si vous sortez, là. Vous allez rester réveillé. J'avoue, hein, si t'es en bobette puis en t-shirt... C'est dur, des fois. C'est standard. Sixième, allez courir dehors. Hein, allez prendre une petite marche à chaque heure. Ça va non seulement ramener vos nerfs à une bonne... Tu sais, fort comme ça, mais aussi c'est bon pour votre cœur. Et j'ai lu un autre article cette semaine qui disait qu'aller courir dehors, pour n'importe qui, dont les nerds, ben courir dehors, ça rend votre tête plus bonne pour faire du travail, c'est plus disposé, dynamique, disposé et dynamique. J'aime ça de même. Donc, c'est ça pour l'instant. Non, mais on dit toujours un esprit sain dans un corps sain. Dans un corps sain. Ouais, absolument, absolument. Ah, il était là mon fond, regarde. Là, je vais revenir à mon état normal. j'allais dire aussi que ben, plus tard, je vais avoir des téléchargements, d'ailleurs, des affaires très, très intéressantes, dont un logiciel qui vous permet de faire des genre de choses dans votre ordinateur qui va envoyer des ondes à votre radio. Vous allez pouvoir écouter vos MP3 dans votre radio par votre ordinateur sans avoir besoin d'un appareil spécial. Ça s'appelle Tempest for Eliza, et on en parlera plus tard. Mais pour l'instant, on retourne encore une fois en musique. Et restez là parce que Danny, au retour, nous parle du jeu suivant. Ultimate Spider-Man dans la collection, et peut-être d'autres affaires aussi. On verra bien qui se pointe et qui décide d'être présent aujourd'hui. Donc on s'en va écouter tout de suite la pièce See You Alligator de Louise Attaque à la collection à Cifou 89.1 FM. Ta-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da- mur de ma chambre, j'ai peint un sous-marin, la mer, le ciel, ça l'a grandi. Chaque fois qu'il quitte mon île, j'entends à plus tard crocodile. Each time she crossed the river, j'entends see you later, alligator. See you later, alligator. See you later, alligator. See you later, alligator. La collection revient tout de suite à C'est fou 89.1 FM. Vous écoutez La Collection, l'émission qui parle de technologie, d'informatique et de jeux vidéo avec Danny Janvier et Mathieu Plante. Et maintenant, on perd un peu plus de temps, c'est tout de suite l'heure de la critique PlayStation de Microplay. Danny Janvier, bonjour. Bonjour Mathieu, bonjour à vous à la maison, bonjour à vous dans l'auto ou peut-être devant votre console. À manger de la bouffe à chat, je sais pas. T'sais. Ouais. Des fois, ça... c'est bonne toast à la bouffe à chat. Hey, l'incorrigible Danny Janvier, de quel jeu tu nous parles aujourd'hui? Ah, cette semaine, j'ai joué à Ultimate Spider-Man. C'est ça, je me suis amusé, mais faut dire que j'ai pris le jeu pas mal pour mon petit gars, parce que si je m'aurais écouté, j'aurais loué We Love Katamashi. Ah, ben oui. Mais la semaine prochaine. La semaine prochaine, mais tu sais, il n'y aura pas une grosse critique. Je sais déjà que je vais être vendu à ce jeu. Donc, c'est pour ça que j'ai pris Ultimate Spider-Man. Et je me demandais qu'est-ce qui était de nouveau. Tu sais, on sait qu'il est sorti des Spider-Man. Il a sorti le 1, il y a peut-être 3 ans, 3-4 ans. Sorti le 2 l'an passé, qui était exceptionnel, vraiment bien, qui était Spider-Man de movie. Et ben là, je me demandais pourquoi sortir un Ultimate Spider-Man, finalement, un nouveau Spider-Man. Eh bien, c'est nous faire penser à la série, parce qu'il y a une nouvelle série qui est faite en genre de self-shading à la télé, qui s'appelle Ultimate Spider-Man, et qui est très très bien fait, avec des personnages un peu à la manga, les filles très sexy, et le jeu, ben, magnifiquement bien fait, encore en self-shading. Tu le sais, d'habitude, j'aime pas vraiment le self-shading. Non, t'es pas un fan de ça. Là-dedans, c'est impeccable, c'est beau, c'est parfait. Ça a pas juste l'air bande dessinée. Je vous dis, c'est plus beau qu'une bande dessinée, c'est plus beau que dessiner. Et la facture du film, des cinématiques, c'est très, très bande dessinée, donc des cases. C'est bien fait, une nouvelle façon de penser. C'est pas juste le self-shading, là. La façon bande dessinée a jamais été aussi bien utilisée, en tout cas pour ce que j'ai testé dans ma vie, puis j'en ai essayé une couple de jeux. Très, très bon. Par contre, j'ai trouvé ça très difficile. Un jeu où on peut se promener justement à New York, partout, et on peut aller justement en mode mission ou en mode faire ce qu'on veut. Mais en mode mission, c'est difficile. C'est vraiment... Puis en plus, c'est supposé être un jeu qui s'adresse vraiment aux enfants quand même, parce qu'avec le look... mais non, moi en tout cas, j'ai même peut-être que j'ai mal regardé, mais j'ai pas vu l'option easy ou hard, là. Je sais pas dans quoi que j'étais, mais c'était très, très difficile. Le jeu, par contre, justement, étant donné qu'il est difficile, c'est un jeu à acheter, parce qu'il y a du stock c'est à regarder. C'est trop long, sinon ça va coûter trop cher. Il y a plein de landmarks aussi, plein de sites de New York qui sont vraiment réalistes. Ça, c'est le fun. On peut pas se rendre, en tout cas, moi, j'ai pas été capable de me rendre à la Statue de la Liberté. On la voit au loin, mais elle est sur l'île, donc il y a pas de place pour accrocher nos toiles. Le jeu, ben Spider-Man, j'ai pas besoin de vous le présenter. C'est un bon jeu, comme je dis, c'est très difficile. On a les héros qu'on a toujours, là, comme Rhino, Dr. Octopus. On rencontre au début, il faut faire une course avec Johnny Storm des Quatre Fantastiques, l'homme de feu. Y a bien sûr Silver qui est là. Toute la gang de Spider-Man, Wolverine, tout le monde de Marvel est très très bien représenté. Qu'est-ce qui est le fun que j'ai aimé, c'est que parfois on n'est pas dans le monde, on n'incarne pas toujours Spider-Man. Des fois, on peut incarner Venom, des fois, on peut incarner Wolverine, justement. On peut incarner d'autres personnages, donc une expérience de jeu plus intéressante. C'est pas juste lancer des toiles. Venom attaque d'une façon différente. Venom peut même reprendre la vie en capturant un pauvre citoyen et en lui suçant le jus. Oh! Qui est le jus? En lui suçant le jus. Donc, moi, j'ai bien aimé le jeu. Peut-être un peu difficile pour la clientèle où c'est supposé s'en aller, ouais, pour la clientèle ciblée. Mais bon, c'est peut-être moi qui ai mal vérifié pour les codes. Puis un coup, j'ai commencé ma mission. Tu sais, tu peux pas changer, revenir à plus facile ou plus dur. Donc, moi, j'ai continué la mission comme ça. Mais faut dire que j'ai été surpris. Justement, j'avais fait jouer mon petit gars avec ça. Puis d'habitude, quand il aime un jeu, tous les jours, sans arrêt, il dit « Ah, je peux toujours PlayStation, papa, je peux toujours PlayStation, papa. » Par contre, tellement difficile que j'ai été chanceux, je me suis fait sacrer la paix, disons que non, à partir de depuis 3 ou 4 jours, il voulait plus y toucher du tout. Fait que non, c'est ça. C'est un bon jeu, mais je vous dis à acheter et destiné plus aux adultes, je pense, qu'aux enfants. Donc ta cote finale. Ma cote finale, donc je sais pas moi, 7.5 sur 10. 7.5, c'est bien. Parce que non, 8, ça aurait été trop. C'est un B moins, mettons. OK. Peu importe, on s'en sort. Mais j'aime B moins. B moins? Ouais. C'est le fun. Donc, le jeu s'appelle Ultimate Spider-Man sur PlayStation 2. Les critiques, 12 critiques reconnues partout dans le monde, lui donnent une note moyenne de 81, donc généralement favorable. Côté public, 12 votes donnent 7.5. C'est édité par Activision, développé par Treyarch. C'est dans le genre action pour un joueur. Est-ce que c'est vrai? Oui. Non, deux joueurs. Tu vois, faut toujours confirmer dans ces affaires-là. La cote, selon le SRB, est adolescent, donc 14 et plus, je crois. Et la date de sortie était le 22 septembre dernier, donc Ultimate Spider-Man. Hein? Et en passant, pour le trouver, c'est Ultimate Spider, trait d'union, man, parce que moi, je tapais Spider-Man, ça marchait pas. Ouais. Sinon, j'allais tomber sur d'autres choses. C'est de cul. C'est tant ça. Tu tapes pas correct. Bien, en tout cas. Donc, avant de passer en musique avec Pat Fraser et Propagande, je vais vous faire une dernière petite fois le top 5 recherche, tiens, par les Québécois cette semaine, selon Sympatico MSN Canada en français, toujours très fiable. En cinquième position, le mot, le cinquième moment plus recherché, est Harry Potter. En quatrième, Fernando Alonso. En troisième, Nathalie Simard. En deuxième, Fred Pellerin. Et en première, Anorexie. Anorexie est le mot-clé de cette semaine. Donc, en musique, on écoute tout de suite le nouvel album de Pat Fraser qui s'appelle Propagande. On écoute tout de suite la pièce Propagande de l'album Propagande. Et la pièce Propagande, tout de suite, à CFM 89.fm. Pat Fraser avec Propagande, la pièce titre de son nouvel album qui est sorti très très très récemment. Et c'est l'heure de faire d'autres nouvelles informatiques. Dash, dash. Les dirigeants du moteur de recherche Yahoo ont décidé de financer la mise en place d'une bibliothèque virtuelle. Outre Yahoo, cet ambitieux projet devrait réunir une dizaine de partenaires européens et américains. Tout comme Google et son projet Google Print, Yahoo se lance dans la réalisation, d'une bibliothèque en ligne devant accueillir des dizaines de milliers d'ouvrages. Ce projet d'archivage d'ouvrages littéraires nommé Open Content Alliance réunit une dizaine de partenaires provenant tout autant du monde des affaires que de celui des universités et des centres de recherche. À terme, l'Open Content Alliance mettra gratuitement les ouvrages provenant du domaine public et d'autres protégés par le droit d'auteur. Toutefois, contrairement à Google, l'OCA s'assurera qu'une autorisation a été demandée pour chacun des ouvrages mis en ligne. En effet, Google autoriserait simplement les auteurs et les éditeurs à définir les livres qu'ils souhaitaient exclure de sa bande de données Google Print. Selon le communiqué émis par l'OCA, l'OCA fournira une vaste étendue de matériaux, notamment des impressions numérisées d'ouvrages culturels, historiques, technologiques, ainsi que du contenu multimédia émanant de bibliothèques, d'archives et d'éditeurs. Oui. Peux-tu dire un petit mot? S'il te plaît. Ah ouais, c'est parce que tu parles de Google, puis t'as déjà parlé très souvent de Google Earth, mais je suis sûr qu'il y a personne à peu près qui y va. C'est vrai. Ben, tu sais, c'est sûr que c'est la planète, oui, mais ici, là, il y a personne qui m'en parle. J'ai expérimenté vraiment hier. Là, c'est magnifique. J'ai passé des heures et des heures. Je vous le dis, vous allez trouver votre rue, votre maison quasiment. Oui. À Trois-Rivières, non, mais mettons, si t'habites, mettons, à Vancouver, moi, j'étais voir où ce que j'habitais. J'ai trouvé vraiment le bloc appartement. Dans des grosses villes, là, c'est facile de trouver les bons blocs. Tu vois même les autos. Oui. C'est hallucinant. Ça, tu parles du logiciel, donc tu peux télécharger, qui est magnifique. C'est 11 megs, je pense. Pas beaucoup. Moi, j'ai mis ça sur mon ordi. Je me suis amusé. Puis là, pour montrer à des enfants aussi la grandeur de la Terre, c'est hallucinant. Là. Google Earth. Surtout au Québec, les gens, tu sais, savent même pas qu'il y a d'autres pays, tu sais, genre, des fois. Non, mais c'est vrai. Il y a du monde qui ont vu. Le plus loin qu'ils sont allés, c'était à Ottawa. Là, tu pognes de quoi? Non, c'est vraiment hallucinant. Il y a aussi une version sur le web au earth.google.com qui, elle, est moins définie, mais c'est quand même bien, surtout pour les grandes métropoles, comme tu disais. Donc, earth.google.com. Maintenant, l'Alliance NumériQC et le CIFRIO publient quelques résultats d'un premier sondage sur la consommation des produits et services numériques au Québec, mené auprès de 1000 adultes québécois. Le sondage indicateur NumériQC 2005 s'intéresse notamment à la popularité des appareils numériques, par exemple les ordinateurs, téléphones cellulaires, lecteurs DVD et autres consoles de jeux vidéo, ainsi qu'à l'adoption de services numériques tels que la télévision et l'accès Internet. En ce qui concerne les appareils numériques, le sondage note la popularité de l'ordinateur qu'on retrouve dans 66% des ménages de la belle province, suivi par le lecteur DVD à 63% et le téléphone cellulaire à 56. La console de jeux vidéo fixe ou portable a quant à elle été adoptée par 27% des ménages du Québec. Du côté des services, le communiqué de l'Alliance NumériQC révèle que 27% des ménages québécois ont accès à la télévision numérique. Pour ce qui est de l'usage d'Internet au Québec, 40% des adultes ont déclaré qu'ils employaient le réseau des réseaux, oui, c'est ça, ça veut dire Internet, pour apprendre, tandis qu'une proportion légèrement supérieure à 44% avoue se divertir en ligne, jouer à des jeux. Apple a confirmé à CNET une rumeur concernant des mises à jour de la configuration matérielle des ordinateurs Mac Mini. Ainsi, depuis quelques jours, Apple aurait modifié ou amélioré de façon très discrète les configurations de certains Mac Mini. Plusieurs clients auraient déjà reçu ces fameux Mac Mini mis à jour, mais l'attitude d'Apple à ce sujet sème actuellement la confusion. Parce que les machines améliorées sont proposées dans des boîtes qui n'ont pas été mises à jour. Donc, un nouvel ordinateur, mais dans une vieille boîte. Elles indiquent ainsi les spécifications dont sont des anciennes configurations, oui, et de ce fait, anciennes et nouvelles configurations côtoient le même emballage. Bon, et pour obtenir le bon, faut avoir un petit peu de chance. Plusieurs vendeurs craignent déjà une situation difficilement gérable. Certains clients pourraient effectivement être tentés de renvoyer leur machine achetée dernièrement s'ils ne disposent pas de la dernière configuration. Apple n'a pas communiqué la composition des nouvelles configurations, mais le site de ThinkSecret parle d'un Mac Mini qui serait passé de 1.42 à 1.5 GHz. Et accompagné d'un nouveau graveur DVD SuperDrive 8X double couche. La partie graphique aurait aussi évolué. Sur l'ensemble des modèles, la mémoire accompagnant le Radeon 9200 serait passée de 32 à 64 MB, tandis que le disque dur serait de type 5400 tours par minute. J'ai aucune discogie. On parle également d'un support Bluetooth. Les prix resteraient inchangés par rapport au prix annoncé en juillet. Et les deux modèles seraient toujours vendus, avec ou sans SuperDrive au prix de, ici c'est écrit en euros, 529 € ou 629. On espère maintenant qu'Apple va officialiser ces affaires-là bientôt. On est rendu pas mal au moment que j'aime le plus dans cette première heure. C'est Bricolons avec Mathieu. Oui, Bricolons avec Mathieu. Donc on commence par Master Yoga. Mais hier, j'ai... Master Yoda, pardon, quoi? Faudrait que t'aies fasses tes jingles, là. Hier, je t'ai écouté en rediffusion, là. Il était bon, hein? Ouais. Ouais, c'est Bricolons que... Bricolons avec... Je suis tellement... Il faut que je me mette dedans, là. Bricolons avec Mathieu. Bricolons avec Mathieu. Hein? Mais pourquoi qu'on la fait pas? On devrait la faire. On va la faire. Ouais, ah, ça va être la fun. Une musique Nintendo en arrière. Ouais, absolument, ouais. Donc, on commence par le, comme je disais, et je vais bien le prononcer, Master Yoda. En origami, ou en oragami, comme c'est mal écrit ici, sur dig.com, où j'ai trouvé cet article-là. Donc, en gros, il faut prendre une feuille carrée, verte, et réussir à... Bon, évidemment, on vous donne un PDF qu'il faut faire imprimer, et puis là, bon, vous prenez votre feuille de papier, et puis vous la pliez, comme c'est indiqué dans le PDF, et c'est créé, celui-là, par Fumiyaki Kawahata, qui est la personne qui a fait ça. En fait, il a pris une feuille qui est d'un côté brune et un côté verte pour réussir à faire le manteau de Yoda, ou la, bon, la, comment t'appelles ça, la cape, si on veut, le cossin ouais. qu'il y a sur son dos. Très bien. C'est patente, là, tu sais, je sais pas. Et c'est vraiment extrêmement compliqué, là. C'est vraiment, vraiment un projet que vous allez prendre du temps à faire, puis vous allez être fiers de l'avoir fait à la fin, parce que ça va valoir la peine, parce que vous allez pouvoir le montrer à vos amis. Vous allez peut-être rater votre session à l'université, mais vous allez avoir un Master Yoda. Exactement. Regarde, c'est super beau, le résultat, là, c'est vraiment magnifique. Là. C'est vraiment super beau. C'est magnifique. Même les oreilles, tu sais. En tout cas. Ensuite, le Do-It-Yourself iPod Nano Case with Urban Camo Option, qui est un petit boîtier pour votre iPod Nano fait en carton. Parce que pourquoi donner 40$ tu sais, à Apple pour avoir un petit chose pour votre iPod Nano. Donc, iPod Nano étant évidemment le nouveau iPod Mini, le remplacement du iPod Mini. Donc, il faut télécharger le template, l'imprimer, suivre les instructions, couper sur les lignes solides et plier sur les lignes pointillées. Et là, évidemment, on sait tous, moi j'ai appris ça cette semaine en lisant sur des articles, que ce n'est pas de l'origami si tu as à utiliser des ciseaux ou de la colle. Non. C'est pas de l'origami, c'est du kari-kari-karigami. Ça s'appelle, non, ça a un nom, là, mais je me rappelle pas, c'est Korigami, Curie, Kakira. Origami, faut que ça soit tout. Origami, c'est plié. Une feuille de papier, souvent 8,5 par 11 ou carré, que vous pliez, c'est tout. Ça, c'est de l'origami. Hein, on apprend des choses dans le bricolon avec Mathieu. Donc, celui-là, iPod Nano, c'est vraiment mignon, là, c'est vraiment le fun. Même que, vraiment, là, ça me tente de le faire. Si j'avais un iPod Nano, là. Même que, gars, le gars, il l'a fait dans une boîte de Trident White. De la gomme Trident White. Tu sais, bricolon, ça, là. En tout cas, allez voir le site cnx.cifou.ca, on le dira jamais assez. C'est le cnx.cifou.ca. Et maintenant, tant qu'à être dans les choses enfantines, hein, faisons la chronique anniversaire. Aujourd'hui, c'est le 25e, en fait, c'était cette semaine, c'est le 25e anniversaire du partenariat qui a créé l'Ethernet. Hein? L'Ethernet is a frame-based computer networking technology for local area networks. Hein? En tout cas, allez vous renseigner, très facile sur wikipedia.org, même que je suis sûr que si je vais sur la version française de Wikipédia, on va me donner la définition en français. Ça me tente d'aller voir tout de suite si ça se fait. Vous allez m'attendre? Vous m'attendez? OK. L'Ethernet est un protocole de réseau informatique à commutation de paquets implémentant la couche physique et la sous-couche MAC du modèle OSI, le standard qui était le plus utilisé dans les années 1990 et qui l'est toujours, et le 802.3 de l'IEEE. Hey, wow, c'est fascinant, ça. Ce dernier a largement remplacé d'autres standards comme le Token Ring et l'ArcNet. Le nom Ethernet vient de Ether, milieu mythique dans lequel baigne l'univers, et Net, abréviation du mot réseau en anglais. Le mot Ethernet fête son 25e anniversaire. Bravo. OK. C'est tout pour cette chronique anniversaire de cette semaine. On retourne en musique, mais puisqu'on approche la fin de la première heure, on va se préparer mentalement à la série Sonic the Hedgehog 2, Hedgehog Heaven. Mais avant, allons écouter la pièce de André qui s'appelle Station Balnéaire. Tout de suite à la collection, c'est pour 89.1 FM. Wow, je suis tellement sérieux aujourd'hui. J'aime ça de me prendre un air de Radio-Canada. Hein? Ben, je suis pas aussi bon que ça. Je suis pas aussi prétentieux que ça non plus, là. Se couche sur la main. De lecteurs, je pense qu'il me niaise. T'sais. On vient juste de faire réparer ce lecteur-là. En tout cas, donc, vous écoutez La Connexion, l'émission qui parle de technologie, l'informatique et de jeux vidéo. Ce qu'on vient d'entendre en partie, c'était André avec Station Balnéaire qui est présentement sur le palmarès francophone de C'est Fou. Le lecteur de disque n'est pas sur le palmarès de C'est Fou, évidemment. Donc, c'est la fin de la première heure, presque. Donc, allons tout de suite, tiens, avec la série Sonic the Hedgehog 2, Hedgehog Heaven. Les pièces qu'on écoute aujourd'hui sont les pièces 6 et 7. Donc, je vais aller vous renseigner un petit peu là-dessus. Évidemment, le site web pour aller vers tous les autres sites web de l'émission, c'est le cnx.cifou.ca, le cnx.cifou.ca, les lettres, hein, cnx. Donc, la série, donc, on commence par, comme je disais, la pièce 6 qui s'appelle Cavern Escape. C'est une pièce basée sur le niveau Mystic Cave Zone du jeu Sonic the Hedgehog 2. L'auteur est Icy Guy. Et ensuite, on va entendre Oil Spill qui vient du niveau Oil Ocean Zone par Analoc. Est-ce que c'est assez d'informations? Je crois que oui. On commence tout de suite. Vous écoutez La Connexion à CFU 89.1 FM. Restez là, s'il vous plaît, là. We'll be right back. Vous écoutez la série Hedgehog Heaven dans la collection Assez Fou 89.1 FM. À venir tout de suite, la RIAA est attaquée à son tour et Eminem s'attaque à la téléphonie mobile. L'émission qui veut rien savoir de vous, fait que tassez-vous d'être là. Commence tout de suite. Trash.dash.trash.dash.trash.com. Trash.dash.trash.dash.trash.com. Ricochet du groupe Comme un homme libre à la collection On parle technologie, informatique et jeux vidéo avec le grand retour de l'incorrigible d'année janvier. Ouais. Et moi, Mathieu Plante. Et là, on était dans une discussion pendant cette merveilleuse pièce. On parlait du Game of Macro. Parce que bon, moi, il me reste même pas. Aujourd'hui, live, jeudi 6 octobre, pour ceux qui écoutaient en direct, ce soir à 5 heures, après le travail, je m'en vais m'acheter mon Game Boy Micro. Okay? Attention. OK, attention. X sur le calendrier. Dans moins de 5... Ça fait 3 mois, j'attends, genre, pour m'acheter mon Game Boy. En tout cas. Donc, le principe que je voulais dire, c'est que, bon, moi, je m'étais prévu d'acheter le SP, OK? Parce que le Game Boy Advance SP, qui est celui qui ressemble à un téléphone flip, là. C'est pas le DS. Mini portable. Pas le DS à deux écrans, là, mais le SP avec un seul écran. Coûtait 99$ environ, OK? Et le micro, quand il est sorti, il coûtait 130$, OK? Et l'écran est beaucoup plus petit, il joue pas les jeux de Game Boy Color, il joue seulement les jeux de Game Boy Advance. Il est moins, tu sais, moins hot à cause, il y a moins de fonctions côté jeu, OK? Le SP, lui, il a pas de prise d'écouteur. Tu sais, chacun a ses désavantages et ses avantages, OK? Donc, ce que je dis, c'est que cette semaine seulement, dans un magasin d'électronique quelconque à grande surface, dans le coin de Trois-Rivières-Ouest, qui a un nom anglophone, puis ce genre de choses-là, vous le connaissez sûrement. Non. Il vend à 31$ de rabais, le micro, OK? Ce qui veut dire qu'il coûte moins cher que le SP. Faut le faire, quand même. Fait que je vais aller l'acheter tantôt, là. OK, on joue ça comme ça. Et le jeu Donkey Kong King of Swing, qui est le jeu que je vais vous critiquer sûrement la semaine prochaine, vu que je vais l'acheter ce soir, est en vente pour 11$ de rabais. Donc, je vais me récompenser, tu sais. Tu fais bon. Hein? C'est le fun. Donc, en tout cas, sachez que ce truc-là, là, ça se finit aujourd'hui. 6 octobre, c'est la date limite pour aller acheter à rabais le micro. C'est pas de la pub, c'est juste comme ça, puis j'ai même pas du nom. Hein? Okay. Alors, fait qu'on comprend. Mais en tout cas, donc, soyez pas soyez pas épais, là. Achetez pas le SP à cause de, tu sais, en tout cas. Revenons, hey, ça, hein? Revenons à nos nouvelles. Dash.com. L'association américaine, la RIAA, vous la connaissez, c'est la Recording Industry Association of America, qui sont ceux qui s'occupent des disques puis des affaires comme ça, puis qui s'occupent de poursuivre les gens qui partagent illégalement de la musique. Donc, la RIAA, chargée de défendre les droits et les intérêts des maisons de disques, continue de déposer de multiples plaintes contre les utilisateurs des réseaux d'échange de fichiers qui téléchargent illégalement des fichiers audio et vidéo protégés. Il y a plus de 14 000 plaintes jusqu'à maintenant. 14 000! Et parallèlement à ça, l'association américaine semble commettre quelques gaffes. Donc, après avoir poursuivi des utilisateurs morts, on apprend cette semaine qu'une mère de famille aurait été assignée en justice pour des téléchargements qu'elle n'aurait pas commis. Donc, Tanya Anderson est une mère de 41 ans, est handicapée, ce qui change absolument rien, qui est dans l'Oregon, elle vit dans l'Oregon, et a déposé une plainte contre la RIAA pour violation de l'Oregon RICO, OK? Qui est pour la protection, la loi pour la protection des données personnelles. Elle a aussi plainte, comment qu'on peut dire ça, aussi déposer une plainte pour fraude, violation de la vie privée, violation électronique, abus de processus, violation de la loi Computer Fraud and Abuse Act et fausse accusation. Au bout de l'affaire, il y a une plainte déposée par la RIAA contre Mme Tanya Anderson qui aurait, selon l'association américaine, téléchargé de la musique et plus précisément du gangster rap à 4h24 du matin sous le pseudo Gotten Quito à Casa.com. Seul problème, c'est que Tanya Anderson nie totalement ces accusations et précise qu'elle n'écoute pas de gangster rap. Et qu'à 4h24 du matin, qu'est-ce qu'elle fait? Adore! OK, c'est ça. Donc, lorsqu'elle a souhaité contacter la célèbre association pour s'expliquer, on lui aurait expliqué que son ordinateur avait été pénétré et qu'on aurait trouvé les traces de fichiers protégés téléchargés de façon illégale et que la plainte ne sera donc pas levée. Tanya Anderson a décidé d'organiser sa défense et sa contre-attaque devant la justice qui devra, elle, trancher. On verra ce que ça va donner. Tanya Anderson, gangster rap à 4h24 du matin. C'est dur à croire, t'sais. Ouais, mais tu sais, justement... T'sais, sinon, ils peuvent dire n'importe quoi. Ah, mm-hmm. On a décidé que c'était ça. Puis là, ils emmènent en justice du monde qui ont rien fait, puis d'autres qui en téléchargent non-stop. Ils n'ont jamais de problème. Mais le RIAA a quand même un petit peu raison sur le fait que, tu sais, même si c'est pas la faute de la fille, si son ordinateur a été pénétré, c'est quand même sa faute, ça s'est pas protégé. Donc, dans le fond, tu sais, faut savoir, c'est justement la cour qui va décider si c'est la faute de la fille que son ordinateur a été pénétré ou pas. C'est ça qu'on veut savoir. T'sais. Ouais, c'est les réseaux qui sont pas assez sécurisés. C'est ça. Aussi, justement, ça devrait peut-être les fournisseurs d'accès Internet. Exactement, devraient... c'est à la base, c'est les fournisseurs d'accès Internet qui devraient avoir des anti-spyware, des anti-shit, tout le kit. Là, c'est eux qui devraient s'équiper pour ça. Absolument. Et non nous qui devraient casser la tête avec ça. C'est juste. C'est le prix juste. En bref, maintenant, HP va livrer des PC avec Netscape. Donc, HP et Netscape ont signé ensemble un nouveau contrat de partenariat. Via cette annonce, HP nous fait savoir qu'il proposera à partir de l'année prochaine de nouveaux PC de bureau et de nouveaux PC portables avec le navigateur Netscape DOL. Les utilisateurs vont pouvoir choisir d'exploiter soit Netscape 8 comme navigateur ou Explorer ou Firefox ou n'importe quoi. Ils vont pouvoir choisir par eux-mêmes. Cet accord-là concerne pour l'instant que les PC HP vendus aux États-Unis et au Canada, et AOL peut ainsi espérer augmenter sa part de marché face aux ténors que sont Mozilla Firefox et Internet Explorer. Une nouvelle annonce pour Apple la semaine prochaine peut-être. Donc Apple a envoyé de nouvelles invitations aux journalistes, encore une fois aux journalistes américains, afin de les convier au California Theater à San Jose pour une présentation mercredi prochain. Et l'invitation précise pas c'est qu'est-ce que ça va être cette affaire-là. Le mois dernier, Apple avait organisé une grosse présentation comme ça pour annoncer son iPod Nano et le téléphone Rocker de Motorola, qui est le téléphone iTunes. Les rumeurs à propos de cette nouvelle annonce vont bon train. Plusieurs analystes financiers ont déjà parié sur un nouvel iPod vidéo ou un iPod 5G, et apparemment que la BBC, le réseau BBC au Royaume-Uni, aurait fait la gaffe de mentionner que, bon, ils disaient dans leur texte, genre, on sait déjà que Apple va annoncer des iPods vidéo, nanana, ils disaient ça dans leur texte, et ça a été retiré, et maintenant c'est disponible sur Internet. Donc, ça se pourrait bien gros que ce soit ça. Mais on pourrait aussi penser que ce serait peut-être des nouveaux ordinateurs normaux, là, t'sais. Peut-être une mise à jour du Mac Mini ou quelque chose du genre. On sait pas. Ça pourrait être ça. Ça peut être bien des affaires. Donc, c'est ça. D'autres parlent de renouvellement complet de la gamme d'ordinateurs Apple, mais il va falloir patienter encore quelques jours pour le savoir. Oui, vas-y. Moi, je dis que c'est les PowerBook G5. PowerBook G5, tu mets ton argent là-dessus. Je mets ma réputation là-dessus. Ta réputation? Moi, je ferais jamais ça. Je dis tout à n'importe quoi. J'ai pas de réputation. T'as aucune réputation. Aucune réputation. L'incorrigible, déjà. Donc, décidément, la technologie semble pas réussir au célèbre rappeur de Détroit, hein, In the Ghetto, à Détroit, Eminem. Donc, ainsi, après avoir attaqué Apple, qui aurait repris l'une de ses chansons pour un clip publicitaire sans autorisation, une affaire qui a été réglée à l'amiable, Eminem s'attaque à la téléphonie mobile. Donc, Eminem, Marshall Mathers III, a déposé des plaintes contre 5 firmes américaines qui proposent à la vente sur Internet sans autorisation certains de ses titres en guise de sonnerie pour téléphone mobile. L'avocat du plaignant aurait déclaré à ce sujet, et je cite, « C'est un business énorme ». Il est question de centaines de milliers de dollars chaque année, fin de la citation. Aux dernières nouvelles, Eminem aurait également pour projet d'attaquer les fabricants de karaoké qui proposent ses chansons dans les bars et dans d'autres lieux de divertissement. À défaut d'avoir été entendu dans le monde du peer-to-peer, le rappeur semble vouloir défendre l'utilisation de ses titres là où il peut véritablement le faire. Quand même. Mais il doit tellement manquer d'argent, Eminem. Moi, ouais, parce qu'il fait quoi? Non, mais il doit manquer de l'argent. Ouais, c'est ça. En tout cas, quand même. Ouais. Sa réputation, peut-être, lui aussi, qui veut garder sa réputation. Vrai. Il veut peut-être pas être associé à de la petite musique midi cucu pour du karaoké. J'avoue. Ce qui est pas le cas pour tous les karaokés, rappelons-le. Le site The Business Online révèle que Microsoft aurait développé un nouveau principe de DVD jetable en se basant sur ses technologies de protection de contenu numérique, le DRM. Donc, destiné à lutter contre le piratage, ces nouveaux DVD seraient accompagnés d'une technologie DRM qui n'autoriserait qu'une seule et unique lecture. Destiné aux studios hollywoodiens protégés contre le piratage, cette nouvelle forme de DVD pourrait venir concurrencer les réseaux de location de DVD. D'après notre confrère, ici chez The Business Online, les premiers DVD de ce nouveau genre pourraient être lancés à partir du début 2006. Et cerise sur le gâteau, toujours selon le texte, j'utiliserai pas ce genre d'expression-là, ils nécessiteront une nouvelle platine DVD. Imaginez, il va falloir une nouvelle machine juste pour lire ces affaires-là. Moi, je suis totalement contre. Ouais, j'espère que t'es contre, sinon je te respecterais même pas si t'étais pas contre. Non, mais pas juste ça, là, la pollution pis tout, là, ouais, c'est débile. Moi, j'imagine que ça va être peut-être des nouveaux lecteurs DVD qui vont lire les DVD et les DVD protégés par DRM, peut-être. Oui, je sais, mais c'est juste que, tu sais, il est jetable, le DVD. Ouais. Déjà que c'est pratiquement jetable, au prix que ça coûte, là. Mm-hmm. C'est quoi? Pollution, ouais, encore, tout ça. T'sais. Encore des déchets. Les DVD accompagnés du procédé baptisé One Play Only ou Play Once seraient facturés à 3 € pièce. Et là, c'est un article français, encore une fois. L'avantage de cette technologie résiderait dans le fait que le consommateur serait libre de regarder quand il souhaite le film obtenu sous cette forme. Oui, tiré par les cheveux peut-être de trouver ce genre de bon côté-là. Contrairement au service de location qui facture le temps de conservation du DVD loué. Le succès du procédé reste toutefois hypothétique et les précédents essais de DVD jetables ont été plutôt nuls et ont été jetés à la poubelle. Littéralement. Oh, que ça dit, ont plutôt mordu la poussière avant de finir à la poubelle. Ah, clubic. Hein. C'est en anglais, je l'ai pas marqué en commençant mon texte. 8 résidents des États-Unis auraient été poursuivis parce qu'ils ont... ils ont rippé ou enregistré et ensuite distribué en ligne le film Star Wars le plus récent. Okay. Donc avant sa sortie officielle. Selon les documents de la cour, une copie de Star Wars Revenge of the Sith a été sortie d'une firme de post-production en Californie et a été amenée sur le net quelques jours avant la sortie théâtrale du film en mai. Albert Valente, 28 ans, de Lakewood en Californie, a plaidé coupable pour des charges d'infraction de copyright et d'allégations qu'il aurait... Blablabla. Mark Oglin, 36 ans, de Huntington Beach, en Californie, a aussi été chargé d'avoir téléchargé, uploadé le film, téléchargé en aval ou vers le haut, là, upload sur le net. Et c'est quelque chose qui pourrait être puni par 3 ans, ou au maximum 3 ans d'emprisonnement. et 6 autres défendants ont été chargés de d'infraction aussi de copyright qui pourrait peut-être les mettre en prison pour jusqu'à 12 mois. Et les 8 vont faire face à la cour le mois prochain. Voilà, donc Star Wars Revenge of the Sith. Imagine comment ça coûte les mettre en prison puis le système judiciaire pour avoir téléchargé un film. En tout cas. Ah, tu sais qu'il coûte quoi 10$ au cinéma? C'est cela. Fait que faut multiplier par le nombre de gens qui l'ont téléchargé. Ça les a pas coupé d'entrée au box-office? Non, absolument pas, parce que les gens... Moi, mettons, je télécharge un film. Je le fais pas parce que moi, je télécharge des émissions de télé. Ouais. Ce qui, ça devrait être légal, on l'a déjà débattu. Mais les films, mettons, j'en téléchargerais un, OK? J'irais pas le voir au cinéma, de toute façon. J'achèterais pas le DVD. Hein? Puis encore, si t'es un fan, même si tu l'as, là, tu vas y aller le voir au cinéma. Exactement. Justement, c'est ça, les gens qui téléchargent la musique souvent vont aller acheter le CD plus tard parce qu'ils veulent encourager les artistes. Ben oui, parce qu'ils l'aiment. Parce qu'ils les aiment, ils veulent la pochette, ils veulent. Il y a peut-être un DVD bonus, il y a peut-être des tunes cachées qui sont pas rippées dans le CD. Exactement. Plein de choses. Donc, les affaires téléchargées, c'est pour les gens qui sont pas assez fanatiques pour aller l'acheter, mais qui veulent quand même l'écouter pour voir de quoi ça a l'air. Puis tu sais, peut-être qu'ils l'écouteront même pas après, ils vont peut-être l'écouter juste une fois. Exactement. Peut-être qu'ils perdent rien, hein. Un autre gros débat, ça, cette affaire-là. Non. Mais je peux voir quand même, tu sais, je suis genre aussi à voir leur côté. C'est vrai que, tu sais, si tu l'as regardé, t'as quand même eu le plaisir de le voir, donc normalement t'aurais dû payer. Tu devrais payer. Mais bon, c'est ça. T'sais, qu'est-ce que tu veux faire? Au retour de la pièce musicale suivante, on va aller, bon, en pub, mais aussi on va parler d'un jeu de Pong en 3D. Et celui-là, c'est quelque chose. Je l'ai joué, moi j'ai un petit peu de misère avec. En tout cas, je vais en parler tantôt. Pour l'instant, Mimi Van Der Glo, Polaroid, le grand succès de C'est Fou cette semaine. Tout de suite, à la collection, on parle technologie informatique et jeux vidéo avec Danny Janvier et Mathieu Plante. Un brosse à cheveux pour te enfaler. visage, ton visage, de ton visage. Vous écoutez la connexion à C'est Fou 89.1 FM. T'as-tu un rhume, Danny? Moi aussi, mais là, il commence à finir. Mais toi, il commence, toi. Non, il est dans le rush. Il est dans le rush. Le rush, c'est le pire moment. Ah, sérieusement, en tout cas. C'est nous à vous, à nous, à la maison. C'est le temps pour les rhumes de ces temps-ci. Il commence à faire un petit peu frais, des fois chaud, des fois frais. Tu sais, la variation de température. Vous écoutez l'émission médicale de C'est Fou. Une pilule de 2-3 granules à C'est Fou 89. Non, en vrai, vous écoutez La Connexion, l'émission qui parle de technologie, d'informatique et de jeux vidéo avec Danny Janvier et Mathieu Plante. Présenté par Microplay. Le pouvoir du jeu. 1380 boulevard de Nicolet, Trois-Rivières. Donc, il nous reste, on est dans le bloc D, le dernier bloc de l'émission. Comme ça finit presque de même. On va commencer par un petit mix de nouvelles, mix down de nouvelles. Hollaback Girl. Et la première chanson à atteindre 1 million de téléchargements. Mm-hmm. Pour la première fois depuis le début des téléchargements légaux de musique, par exemple sur iTunes et les autres, un enregistrement vient de dépasser 1 million de téléchargements. C'est la chanson Hollaback Girl de Gwen Stefani, qui est évidemment bon, celle de No Doubt, c'est de son album Love Angel Music Baby, des ventes d'environ 995 000 téléchargements en date de vendredi 30 septembre. Et l'enregistrement a une moyenne de 15 000 par semaine depuis sa sortie du 25 novembre. Donc, logiquement, c'est peut-être déjà traversé ou proche. Payant. C'est le fun pour eux autres. Payant. Hollaback Girl, c'est même pas une bonne tune, ça, comment? Hollaback Girl, c'est pas mauvais. C'est à chier. Dégueulasse. Il y en a beaucoup qui l'ont acheté. Mais oui, qu'est-ce que tu veux faire? C'est Gwen Stefani est belle. Ensuite, selon une entrée sur un blog, Google Rumors, supposément que Google va sortir un calendrier en ligne. Et ça, je l'attendais, là. Et moi, j'espérais qu'il allait l'intégrer à Gmail pour faire un Gmail Calendar qui aurait une fonction comme dans Outlook, dans Yahoo, dans Hotmail. Mais là, ça va être à part. Ça va être calendar.google.com. Et là, ce qu'on a vu, c'est que normalement, quand tu vas sur, mettons, exemple ou connexion.google.com, ça dit non trouvé, OK? Et quand il y a une adresse fictive, mais qu'on sait que ça s'en vient, il redirige vers la page de Google, OK? Donc là, présentement, si tu tapes calendar.google.com, ça redirige à la page d'accueil de Google. Ce qui est un bon indice pour te dire que bientôt, ça va être activé, OK? Donc, quand même intelligent chez Google Google Rumors. Et donc, on se rappelle qu'il s'était passé la même chose au lancement de G-Talk. Dans ce temps-là, quand tu faisais talk.google.com, il te redirigeait aussi vers la page d'accueil. Oui. Pendant que tu parles de Google, je pense que c'est ce soir, Canal D au 31. Oui. Il y a une biographie sur les membres de Google, les fondateurs de Google. Oui. Ça peut peut-être vous intéresser. Non, c'est absolument vrai. Ce jeudi. On va en parler. Je vais aller chercher l'heure tantôt, je vais vous en parler, mais c'est ce soir, jeudi, le 6 octobre. Maintenant, nous, on va retourner en musique. On va aller se faire jouer une pièce de Dead Cav Cutie. Est-ce que là, Dead Cav Cutie? Non. Dead Cav Cutie qui a un nouvel album qui s'appelle Plans. Et on s'en va écouter tout de suite la pièce Soul Meets Body. The Death Calculator. Ah, j'arrête. À la connexion. C'est pour gagner le pain. Dans le janvier, Mathieu Plan. Yeah. Oh, yeah. I want to live where soul meets body and let the sun wrap its arms over. Cool and cleansing and feel a melody softly soaring through my atmosphere. A melody softly soaring through my atmosphere. Totalement. C'est la taxe au complet. C'est ce que je dis moi aussi. T'sais, quand t'écoutes Dead Cab Curie, tu dis la taxe au complet tellement c'est bon. C'est sûr. Okay. Donc on va entendre Dead Cab Curie avec l'album Plans et la pièce Soul Meets Body. Et maintenant, c'est la collection. Ah, c'est ça. Wouhou! Surf's up, dudettes! Donc... tu vois Mathieu debout sur la table. Ouais, j'étais debout sur la table, je faisais du surf. Dead Cab Curie, parce que Dead Cab Curie, c'est un groupe de jeunes surfers. Ok, donc c'est l'heure de passer aux nouveautés en magasin cette semaine. Et là, on en a a truckload. C'est parce qu'il y a un jeu qui sort qui c'est Big Mother Truckers. J'ai vu d'avance. Ok, sur plusieurs consoles, on commence par un jeu sur PlayStation 2, Xbox et PC. Brothers in Arms, Earned in Blood. Hein? Sur PlayStation 2, Xbox et PC, le jeu de Shooter Conflict Global Storm, la simulation de soccer FIFA Soccer 06 sur PlayStation 2, Xbox, GameCube, Nintendo DS et PC. Le jeu de vie virtuelle, Bratz Rock Angels. Et là, eux autres sont tellement in, cool et cutting edge que c'est Bratz avec un Z et Rock Angels avec un Z aussi. J'aime bien cette expression-là, moi. Trendy, hip, cutting edge à la pointe. Non, c'est sur PlayStation 2, GameCube et Game Boy Advance. C'est un jeu de petits-enfants. Si vous avez pas vu l'annonce, là. Bratz, en tout cas. Et le jeu de Truck, Big Mother Trucker, sur DS et Game Boy Advance. Maintenant, on passe au jeu PC. Black and White 2, très très attendu. Cold War, le shooter. Stubbs the Zombie in Rebel Without a Pulse, qu'on avait adoré le nom quand on l'avait entendu pour la première fois. Rebel Without a Pulse, c'est un jeu d'action plateforme. Et Diplomacy, qui est un jeu de stratégie historique. Sur PlayStation 2, Backyard Football. Et, j'adore prononcer le nom de ce jeu-là. C'est un jeu de rôle, donc je vais détester, mais j'adore le nom. Je reprends. Ça s'appelle Shin Megami Tensei Digital Devil Saga 2. Hein? J'adore le nom Shin Megami Tensei Digital Devil Saga 2. C'est un petit gars, tu vas l'appeler comme ça. Ouais, Shin Megami Tensei. Le jeu de pêche sur Xbox, Bass Pro Trophy Fishing. Le jeu de shooter, Doom 3, Resurrection of Evil. Et le jeu de shooter, encore une fois, Halo Triple Pack, c'est le Triple Pack de Halo, c'est une réédition. Et Worms 4 Mayhem, qui est un jeu aussi très attendu par les gens qui aiment ce genre de jeu-là, mais moi j'aime pas ça pantoute. Worms, je ne peux pas supporter les jeux de Worms. J'aime pas ça pantoute. Mais c'est un jeu de stratégie fantastique basé sur des tours. C'est tour à tour, on se comprend. Sur DS, Castlevania Dawn of Sorrow, un jeu d'horreur action-aventure. Et Trauma Center Under the Knife, le jeu où il faut que tu opères des patients avec ton stylet. Sur la Nintendo DS. Ça, c'est innovateur, ça. C'est hot. Ça, c'est vraiment hot. Tu sais, la DS, là, ça a été inventé pour des jeux avec des originalités comme celle-là. C'est le fun. Donc, Trauma Center Under the Knife, qui est un jeu d'action. Sur Game Boy Advance, le jeu de conduite Ford Racing 3, le jeu de plateforme Let's Ride Sunshine Stables, que j'ai même pas réussi à trouver, ce jeu-là, sur GameFAQs.com, et ni sur GameSpot. Ça doit pas être un gros jeu. Megaman Zero 4, le jeu de plateforme, et Pac-Man World 2, qui je crois est une réédition du jeu qui avait paru sur GameCube et d'autres consoles, qui est un jeu d'aventure à la Mario, mais avec Pac-Man. Et pour terminer sur PlayStation Portable, le jeu de combat 3D Marvel Nemesis Rise of the Imperfects, le jeu de simulation de basketball NBA 06 et NBA Live 06. Deux jeux différents, je comprends pas. NBA 06 et NBA Live 06. Deux compagnies différentes. Et le jeu de traditionnel tennis, Virtua Tennis World Tour. Pas Virtua Tennis, le vrai? Est-ce que j'ai... Non, je crois que c'est Virtual Tennis. Ah, Virtual World Tennis, Tour. C'est qui le fait? Est-ce que c'est sur Sega? J'ai enlevé les noms des compagnies, mais je peux te dire ça dans 30 secondes si tu me laisses le temps. Si tu placotes puis tu trouves quelque chose à dire pour combler le temps. C'est que sur l'ancienne Sega... C'est Sega of America. La Dreamcast. J'ai déjà trouvé. Sur la Dreamcast, c'est le plus beau jeu de tennis qui a jamais été inventé. Oui, tu m'avais dit que c'était un jeu de tennis, puis que toi, t'avais même réussi à aimer ça, puis c'est un jeu de tennis. Exactement, d'habitude, je déteste ça. Puis même, tous les amateurs de jeux de tennis disaient que c'était le meilleur. Donc, tu me dis que là, il vient d'être réédité ou refait. Ben, ou... je sais pas si c'est une nouvelle version, honnêtement. Mais c'est quoi le nom? C'est Virtua Tennis 2. World Tour. Bah, ça doit être une nouvelle édition. Je pense que c'était juste Virtua Tennis. D'accord. Je vais aller voir. Hein? Tout en préparant les deux chroniques qui terminent toujours l'émission. J'adore ces chroniques-là. En attendant Meladen, où on vous présente encore... C'est la suite de la semaine passée où on avait présenté la Pop Station. Là, c'est la Neo Double Games. une copie pâle de la Nintendo DS. Et évidemment, la fin de l'émission s'appelle... Comment? Le plancher. Le plancher. On balaye le plancher au retour. Pour l'instant, voici une pièce qu'on avait découvert il y a quelques semaines et qui m'avait fait bien rire, Jamil, avec la pièce Internet de l'album Pitié pour les bombes, tout de suite à la connexion à CFOU 89 FM. On s'est dit comme ça, on se verra là, tu me feras un signe où je te reconnaîtrai pas, j'ai hâte. Je sais pas pour toi. J'ai à peine vu ton visage, y a du flou sur ton image. T'as peut-être un gros cul, de la jazette qu'en finit plus. Puis un clavier, ça parle pas, ça dit pas le son de ta voix. T'as peut-être une voix de nymphette ou d'un pince-nez sur une trompette. Internet, c'est pas net, on est tous un petit peu malhonnêtes. Des nanas et des mecs, un petit cœur qu'on sait plus quoi faire avec. Tant d'espoir dans un courriel, y'a des anges parfois cruels. T'as l'air de la femme parfaite, un beau cul, une jolie tête. Tu m'inquiètes, c'est trop beau pour moi. Et si l'amour ça pardonne pas, ça fait pas de cadeau tu vois. Ça blesse bien plus que l'on croit, y'a des cœurs qui s'en remettent pas. T'as peut-être trop envie de me plaire, juste besoin de passer l'hiver. D'une rencontre top secrète qui te ferait tourner la tête. De toute façon je sais que demain tu seras déjà très très loin. Que ces amours éphémères, ça laisse souvent un goût amer. J'ai les couilles grosses comme un bahut, est-ce que je me marre ou je pleure dessus. Et me v'la bite dans le vent, couilles rabattues, la poche qui claque vers l'inconnu. Internet, pour se mettre, on est tous un petit peu malhonnêtes. Des nanas et des mecs, un petit cœur qu'on sait plus quoi faire avec. Ta poitrine a l'air divine, est-ce qu'elle est en caoutchouc? Quand c'est faux, on les devine, ça fait j'couic à chaque bisou. Le fromage en grain, moi tu sais, j'trouve que ça pas de goût. Internet c'est que des mots, une webcam qui fait défaut, une tonne de filles dynamiques qui font du sport, qui aiment la musique selon leurs amis. Elles sont toutes belles, surtout pas artificielles. À croire tout ce qu'elles disent d'elles, manque plus que les trous pour mettre les ailes. Durable et stable et sensuelle, cherchant l'amour éternel. Souriante, très très naturelle, et pas un poil sous les aisselles. Dis-moi ton poids proportionnel, est-ce qu'il est occasionnel? Et tes quelques livres en trop, est-ce qu'elles rentrent dans un cajot? Internet, va te faire mettre, on est tous beaucoup trop malhonnêtes. Des nanas et des mecs, un petit cœur qu'on sait plus quoi faire avec. Selon elle, l'homme parfait est autonome et pas marié, aimant la nature, les petits soupers, le vin rouge et voyager. Arrête, je pense que je vais craquer. Intelligent et cultivé, sans avoir la tête enflée. Mature, prêt à s'engager, avec un passé bien réglé. Terre à terre, aventurier, toujours le mot pour plaisanter. Attentionné, très très fidèle, et un baiseur exceptionnel. Dis-moi, je veux surtout pas te faire chier, des mecs comme ça, j'ai tué le dernier. Si je l'ai tué, c'est par pitié, il était plus capable de bander. D'ailleurs, je m'apprête à l'empailler, il est en train de sécher dans le grenier. Si vous voulez, je peux vous le montrer, mais c'est pas bon à regarder. Internet, va te faire mettre, on est tous beaucoup trop malhonnêtes. Des nanas et des mecs, un petit cœur qu'on sait plus quoi faire avec. Jamil avec Internet de l'album Pitié pour les bombes. Quel bon texte! Quel bon texte! C'est très juste, hein? C'est vraiment vrai. Ouais, c'est drôle. Ah! En tout cas. Donc, Jamil, et on l'entendra sûrement à nouveau dans la connexion. Ici, maintenant, on doit se dépêcher parce que c'est la rafale de la fin. Il nous reste même pas 10 minutes pour rentrer tout le matériel qui nous reste. On commence rapidement par un téléchargement qui est des desktops animés, ok? Donc, si tu t'emmerdes avec un fond, je sais, je te vois venir puis je me vois venir moi aussi. Mais si ton fond d'écran t'emmerde et tu veux avoir quelque chose de différent comme de l'eau qui bouge, des petites bulles, des cercles qui tournent, des affaires comme ça, deans3d.com ou cnx.cif.ca via le lien qui s'appelle Animated Desktops Today's Mod. Vous pouvez faire ça. C'est très très lourd, évidemment. C'est très très lourd. Mais pour ceux qui ont un ordinateur et qui font tu que de l'internet et qui aiment ça, des petits gadgets comme ça, c'est tout le fun. S'ils font du WordPad, là, c'est du Word, même du Word normal, c'est ouais. Bien correct. Mais qui sont achetés un ordinateur super puissant pour le faire. Ouais, c'est ça. Ben voilà. Mais sinon, dans les commentaires de l'article que j'ai posté, j'ai fait exprès pour poster l'article et non pas le logiciel parce que dans les commentaires, il y a plusieurs liens vers d'autres logiciels qui pourraient peut-être prendre moins de CPU et servir à peu près à la même chose, dont guessworks.com/Drampals, le logiciel Drampals. Qui est un écran de veille qui peut être utilisé comme écran de veille normal et comme desktop ou comme bureau sur Windows. Allez voir, c'est comme je disais, l'article s'appelle Animated Desktops. Ensuite, le programme Tempest for Eliza. Tempest for Eliza, qui est un programme qui vous permet d'écouter des MP3 sur une radio via des ondes, des fréquences. Okay? Donc l'histoire, ça explique un petit peu dans le texte ici. C'est un programme qui utilise votre moniteur d'ordinateur pour envoyer des signaux radio AM. Et ensuite, vous pouvez entendre cette musique-là à travers votre radio. Donc, le document décrit exactement comment ça fonctionne. Au début, la première version, c'était seulement pour envoyer de la musique comme un téléphone cellulaire dans votre radio. Mais maintenant, il a réussi à faire une affaire pour que les MP3 jouent et que ça sonne quand même bien. Comment ça fonctionne? En gros, c'est des ondes électromagnétiques qui sont envoyées par votre moniteur aussi bien que des appareils électroniques divers. Je crois que si je comprends bien, ça veut dire que ça envoie tout le temps des ondes électromagnétiques. Et c'est à des fréquences très très hautes, assez hautes pour une radio AM à ondes courtes. Voilà. Tout ce que vous avez à faire, c'est de bien afficher la bonne image sur votre écran et ça va le faire, vous allez pouvoir l'entendre. Donc on va essayer d'entendre un extrait de ça qui était disponible sur le site web. Le MP3 il est juste ici, donc on devrait l'entendre là. Et ça, je rappelle, j'ai lu sur la page que c'était un extrait de ce que ça sonnait sur la première version, qui n'était pas la version MP3, mais la version juste comme un téléphone cellulaire, si on veut. Donc, ça va sonner mieux que ça quand vous allez faire la nouvelle version, évidemment, on se comprend. Donc, allez voir sur Tempest for Eliza. Je crois que mon explication était assez correcte. Ouais, c'était quand même bien. Maintenant, je voulais revenir sur le fait que l'émission à Canal D sur Google, c'était hier soir à 19h, mais c'est en rappel aujourd'hui à 15h. Donc, si vous écoutez en direct jeudi, le 6 octobre 2005, l'émission est à 15h. Ça s'appelle Biographie, évidemment, l'émission Biographie, sous-titre Google et ses créateurs. Et la définition, c'est avant que deux décrocheurs de l'université Stanford ne lancent Google, la recherche d'informations sur Internet était plutôt difficile. Aujourd'hui, Google est en bourse et Larry Page et Sergey Brin sont prêts à tout pour affronter la concurrence. Donc, Biographie, c'est cet après-midi, non pas ce soir, à 15h, heure de l'Est. C'est sur Canal D, poste 31, ici, à Trois-Rivières. Maintenant, je vais sauter sur le vidéo dans l'attendant Belada. Je vais le faire tout à l'heure, juste avant la fin de l'émission. Fontblog, le texte est en allemand, quelque chose du genre, mais c'est un fond d'écran qui... j'aurais dû te le faire à la place. J'aurais dû te le faire à toi. C'est un fond d'écran que tu mets sur l'ordinateur d'un portable, sur un fond d'écran de portable, et l'écran a l'air brisé. L'écran a l'air tout est fait en morceaux avec des couleurs qui coulent, les genres de choses-là. Et les gens vont vraiment penser que leur portable est fini. Ça a été super drôle de te faire ça, David. J'aurais pleuré. J'aurais vraiment dû te le faire avant d'en parler. En tout cas. Donc, allez voir Funblog Vertrolikrunichny. C'est sur le cnx.cif.ca, évidemment. Ghoster. Là, vraiment rapidement, je vais commencer à arrêter de prendre mon temps. Ghoster, c'est un logiciel. Faut aller sur le lien qui est sur l'article. Il y a un lien dans l'article. Et là, descendez très très bas dans la page. Il y a plusieurs mini-logiciels qui sont tous excellent, il faut vraiment que j'aille les chercher toute la gang ce soir. Mais il y en a un en particulier qui s'appelle Ghoster, qui fait que la fenêtre qui est activée, la fenêtre qui est présentement en train d'être utilisée, va être en couleur et le reste va être comme en effet fantôme. Et tu peux même appliquer un bitmap dessus, comme une vague ou quelque chose du genre, pour qu'il soit transparent puis qu'il soit vraiment défini que t'es sur cette fenêtre-là. Pour ceux qui travaillent pas en plein écran, c'est magnifique. Et terminons avec Liquid Media, qui est le jeu de Pong dont je parlais tout à l'heure. Je vais le démarrer, je sais pas si on va entendre la musique, je vais arrêter mon fond et je vais vous montrer ici. On lance la balle. Et elle reflète en 3D et il faut essayer de la frapper comme ça. À un moment donné, tu commences à... À un moment donné, tu commences à avoir bien de la misère parce que tu as tendance à frapper les ombres des balles dans l'environnement 3D. C'est pas facile, mais c'est un jeu de punk que tu vois à la verticale comme dans une tombée d'ascenseur. Là. où c'est comme si tu serais face à face, genre sur un jeu de ping-pong. C'est ça. Mais le 3D est magnifique. C'est Liquid Media sur liquid.se. Très rapidement, maintenant, on va faire le En attendant Ben Laden. Que je vais pas le faire jouer au complet, mais c'est le gars. Vous rappelez, la semaine dernière, j'avais parlé d'un gars qui testait la Pop Station, qui est une version vraiment cheap de la PSP, qui a été faite par une compagnie japonaise ou asiatique, peu importe, et qui est tellement cheap, il y a des jeux de soccer à la Game & Watch. C'est ça, on s'appelle les vieilles consoles. Donc le gars fait la critique de la même chose, mais pour le Neo Double Games, qui est une version DS très très cheap. Donc le gars met son chose de docteur et ses gants de plastique et analyse de fond en comble la boîte, ok? La boîte est faite sur une copie de la PlayStation Portable et non pas sur une copie de la Nintendo DS, la boîte, ok? Et là, ça a l'air vrai. Quand tu regardes la console, ça a l'air pas si pire que ça. Mais en y touchant, tu vois que c'est très léger, fait en plastique, très cheap. Et pour changer de jeu, il y a deux jeux seulement dedans. Même qu'à l'arrière de la boîte, c'est écrit qu'il y a quatre jeux, mais il y a des crochets à côté des seuls deux jeux qui sont écrits dans la boîte. C'est tellement cheap. Donc, les jeux, il faut que tu enlèves l'écran du haut et tu mets l'écran du bas en haut pour réussir à jouer. Mais c'est le même jeu, mais avec des dessins différents. C'est tellement, tellement cheap. En tout cas, allez voir, vous allez rire, j'en suis... Mais c'est garanti. Même si c'est en anglais, vous allez rire, c'est sûr, juste en voyant ces mouvements. Puis la console en tant que telle qui est... une vraie joke. Une vraie, vraie joke. On va écouter, je crois, un petit extrait à un moment donné. Je crois que c'est vers la fin. C'est quand même drôle. We've got all the buttons here, most of which don't do anything as before. Let's turn it on. Let's turn her on and see what's what. This apparently is Street Fighter. C'est Street Fighter. We and Ken do not live here. Instead, we've got... Well, actually, I can't really see what we've got for the simple reason that the LCD... Donc, allez regarder le reste sur cnx.cif.ca. Je l'ai appelé moi-même l'article qui s'appelle... ça s'appelle Neo Double Games et évidemment la préface en attendant. Ça, c'est pour les vieux, là, tu sais, ils veulent acheter un cadeau à leur petit garçon, ils connaissent rien. Ils ont entendu parler de la console. Ils sont pas nés, mon gars. Hey, elle était vraiment pas chère. J'espère que vous allez pas recevoir ça à Noël chez vous parce que vous allez faire pisser ça. Puis un orange, je prendrais l'orange, je pense. Donc maintenant, c'est l'heure de la fin de l'émission, même que ça me tente de mettre quasiment générique tout de suite. Hey, mais j'ai un petit truc à dire. Oui. Juste tantôt, on en parlait, là. La pub pour le Micro, le Game Boy Micro. Oui. Avec la souris qui fourre vraiment très, très fort. Ah, la souris. Oui, la souris, labyrinthe, puis là, oui. Choisit le Game Boy Micro. Elle se met le fourré. Elle zigne. Ah, c'est tellement drôle. Donc, très belle campagne de publicité. Je crois qu'elle est sur Internet, à quelque part, on peut la télécharger. Allez voir ça sur Internet. Et aussi, un dossier, j'ai pas mis ça dans les liens, mais allez sur jeuxfrance.com et sur gamespot.com en anglais pour suivre le X05, qui est la foire de Microsoft. Et la conférence de presse de Nintendo, il y a une vidéo là-dessus aussi. C'est aller voir sur le jeuxfrance.com, c'est en français, c'est plus facile pour vous autres. Maintenant, c'est l'heure de balayer le plancher comme à la fin de chaque émission. C'est justement l'idée. C'est des nouvelles qu'on n'a pas réussi à fitter dans aucun autre segment de l'émission. Donc, Google Maps, le service de Google qui permet de s'orienter sur la planète grâce à des extraits de cartes, commence à faire des vagues. Cette fois-ci, c'est pas les images de Google Earth, mais bien, non pas l'existence d'une base secrète ou rien. C'est plutôt un problème de reconnaissance qui met Google Maps sous le feu des projecteurs. Le gouvernement taïwanais apprécie pas que leur pays soit qualifié de province chinoise. Cette position est celle défendue par le gouvernement de Pékin, qui considère toujours l'île comme sa 26e province. Et du côté de Taïwan, on défend bien sûr une autre position. Et les instances dirigeantes qualifient l'île de république démocratique entièrement indépendante de la Chine. Et à ce titre-là, le gouvernement taïwanais demande à Google de corriger le plus vite possible. Google, ils doivent être sous stress, puis ils doivent vouloir le changer au plus vite possible. Ils doivent payer leur gens le temps double pour aller changer ça, là. Tellement important pour eux autres. Mais en tout cas, c'est comme si, tu sais, c'est en tout cas, on partira pas là-dessus, mais tu sais, ici, le Québec, c'est comme s'ils marquaient pays du Québec, ça n'en est pas un. C'est normal que les gens chialent puis disent, gars, c'est pas un pays, même si tu dis que c'est un pays, ça n'en est pas un, pour l'instant. Un jour, peut-être. Mais vivons dans la réalité présente sur le fait que, présentement, c'est une république démocratique. Non, c'est pas ça. C'est vraiment une province chinoise et que eux autres, ils veulent que ce soit une république démocratique. On se comprend? Oui. D'accord. Donc, la première proposition de mariage via un engin de recherche. Donc, l'homme qui écrit ce texte est présentement fiancé. Il sera marié à sa merveilleuse copine Yisha. Et pourquoi il poste ça sur un blog qui parle d'engin de recherche? Eh bien, c'est parce que il a proposé à sa femme, à sa blonde, le mariage via Ask Jeeves sur Ask.com. Donc, il a amené Yisha à son bureau. Il lui a demandé « Tape ton propre nom pour voir si tu trouverais pas quelque chose. » Et en faisant ça, lui s'est penché sur son genou et lui a montré son anneau et les fleurs, etc. Elle a tapé son nom complet. Et puis, est arrivée la réponse « Smart Answer » sur As.com. Tu peux faire des « Smart Answer ». Et ça a marqué « Bon, est-ce que tu veux m'épouser ?» Voilà. Oui. Une compagnie qui fait fondre des barreaux de prison. Ce qu'ils font, c'est que cette compagnie-là, je vais vous expliquer, vous irez lire l'article par vous-même, mais la compagnie propose de de vous leur donner votre photo, ok, avec votre chum qui est en prison présentement, votre blonde, et les autres vont prendre Photoshop, vont vous couper, ils vont vous mettre dans un environnement, tu sais, comme mettons une plage ou dans un spa, etc., etc. Et ça vous coûte 10$. Magnifique, belle petite histoire d'amour, allez voir ça sur Photoshop Magic Melts Prison Bars. Et finalement, une attrape pour les touristes au Japon. Une machine donne des sous-vêtements et non pas des PlayStation Portable. Donc, il y avait une machine, en gros, je vais pas raconter au complet, mais il y avait une machine que c'était écrit PSP, puis on croyait que tu pouvais acheter des PSP dans cette machine-là. En fin de compte, c'était des sous-vêtements que tu pouvais acheter avec ça. Allez lire les articles, on a vraiment plus de temps. C'est comme ça, c'est tout pour cette semaine. Dany, on te retrouve dans E3, les jeux du soir, l'émission de Petit Trans, et dans La Chance au Coureur, l'émission de Nouveautés Musicales, les vendredis. Je connais les palmarès, c'est fou, avec les gars le vendredi soir à 17h. Et je vous rappelle que la connexion est diffusée les jeudis à 11h, en rappel, les mardis à 10h. Le cfou.ca, cliquez sur la connexion, allez voir tous les liens, les MP3, les cases horaires de toutes mes autres émissions, puis celle de Dany. C'est magnifique. C'est tout pour la connexion cette semaine, de la part de Dany Janvier et moi-même, Mathieu Plante. Bonne journée et bonne chance.